Audiomatic. C'est sur une pièce du DJ et compositeur belge Arky Starch que s'ouvrait cette transmission d'Audiomatic. Il s'agissait du single Stigmata qui se retrouvera vraisemblablement sur un album apparaître dans les prochains mois et dont le titre reste encore inconnu. La transmission 3, 5, 6 d'Audiomatic se poursuit avec le groupe québécois Men I Trust. I'm not like trees in a field of frost. Bird fly alone, you and me in the car are lost. Took a wrong turn somewhere. End of the old time, end of the old time for sure. The trees are black on history, they'll drag us down to our knees. And in our cold time, to die. Now wherever you are, darling, I'm not that far behind. I'm not that far behind. By the side of the road, a thing with horns that steps back into the trees if a child is born. Upon this trembling earth displays each day, thrown across the hallucination of your hair, a strip of ordinary sun, a biblical sun, a colonial sun, an enlightened sun, the same sun, made always glorious at your head. While stopping at a motel and go jumping into bed, just like the old time. However you are, darling, I'm not that far behind. Coming back this time. Il s'agissait à Audiomatic de la collaboration entre Nick Cave et Warren Ellis qui s'incarnait à travers leur composition intitulée Old Time et qui se retrouve sur leur album Carnage qui est paru le 18 juin dernier. Tout juste avant, c'était le projet américain Defrag mené par Jeff Dodson qui nous offrait la pièce We Are Foam, extraite de son prochain EP, Idle Lines, qui sortira le 3 septembre 2021. Et pour débuter, nous entendions le groupe québécois Men I Trust et sa composition Intro Hit, sur laquelle on peut entendre la chanteuse Odile Marmet-Rochefort. Cette pièce est tirée du premier album homonyme de Men I Trust, qui est paru en 2014. Et c'est maintenant le projet Muslim Gaz que nous allons écouter à Audiomatic. Thank you. Donc, 300 habitants. Pour que tu le movimento, je vais travailler ici, ça va te porter. Bon jour, dans les coins de moi. We'll be right back. Audiomatique Transmission 356. Cette séquence terminait sur la musique du projet As Rotator, duquel nous écoutions la pièce Actinome tirée du premier album intitulé Science of Chance, paru en 2005. Avant As Rotator, nous écoutions le projet Nazar et sa pièce Diverted, c'est tiré de son premier album Guérilla, sorti en 2020. Et pour débuter, nous écoutions Muslim Gauze, le projet du prolifique artiste Bryn Jones, décédé en 1999. De l'album Gun Aramaic Part 2, les sonoristes ont choisi de faire jouer une des versions de la pièce Sharia Limb. La continuité d'Audiomatique est cette fois assurée par Martin Gore. Thank you. We'll be right back. through the reeds, there could be such things beyond. Echoes are calling over the water. She's gone, but he can't see her. Audiomatique, nous entendions la chanson « Fleurs du mal » du groupe québécois Fang, F-H-A-N-G, qui apparaît sur son album homonyme qui est paru tout récemment. Et en amorce de séquence, nous avions droit à la musique de Martin Gore, bien sûr membre de la formation anglaise Depeche Mode, de son mini-album solo de « Third Chimpanzee », qui a été lancé le 29 janvier 2021, nous avons choisi de vous présenter la pièce Vervet. C'est avec le groupe Digital Factor que nous allons conclure cette transmission 356 d'Audiomatique. grâce à la pièce Electric Body exclusive à la compilation Old School Electrology Volume 1. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 357 d'Audiomatique. Voici donc pour terminer Digital Factor et la pièce Electric Body. C'était Audiomatique avec les sonoristes. <t'en>